Bonjour, aujourd'hui, je vous présente le thème de la démocratie. Au premier plan, je vais vous expliquer d'où vient le mot démocratie. Dans un deuxième plan, je vais vous dire qu'est-ce que c'est la démocratie. Pour en arriver au troisième plan, où je vais vous citer les types de démocratie qui existent. D'abord, le mot démocratie est un mot d'invention grecque. La démocratie vient de deux mots grecs, kratos, qui signifie le pouvoir, et démos, qui signifie le peuple. Il s'agit donc du pouvoir du peuple qui est alors souverain. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie est le gouvernement du peuple pour le peuple, par le peuple. Cette définition engendre plusieurs conséquences qui sont le respect des libertés individuelles et collectives, ou encore une égalité des droits. Il repose sur un système représentatif puisque le peuple est représenté par des personnes élues. Le consentement populaire se trouve donc à la base de ce système par le suffrage universel. À l'inverse de la démocratie athénienne, celle que nous connaissons aujourd'hui repose sur l'élection et non pas sur le tirage au sort. Les types de démocratie sont les suivantes. Démocratie directe. Le peuple exerce directement le pouvoir politique. Il prend lui-même les décisions. La démocratie semi-directe. La démocratie participative. Ce système permet d'accroître la participation des citoyens à la vie politique. Cela s'effectue par la mise en œuvre des organes situés au plus proche des citoyens, ou encore l'augmentation de la fréquence des votes. La démocratie représentative, le peuple exerce sa souveraineté par le biais des représentants élus. La démocratie est alors indirectement exercée. Alors, la démocratie s'est ainsi installée jusqu'à nos jours. Elle s'est adaptée aux critiques et à l'évolution de la société. Les associations se sont ainsi, par exemple, largement répandues, ce qui est préconisé Tocqueville pour lutter contre les défauts inhérents à la démocratie. Aussi, la démocratie d'aujourd'hui consacre la diversité, la pluralité d'opposition et la liberté d'expression. Enfin, les communes intègrent également des éléments de la démocratie participative en donnant aux citoyens la possibilité de s'exprimer davantage. Néanmoins, si le XXe siècle fut marqué par un réel enracinement de la démocratie dans nos sociétés, il fut également imprégné d'un refus de celle-ci.